banane viva. A nous célébrer chaque moment plaisir qu'on cadeau. Pendant nos nuits, pendant nos vivants, criez-moi chérie de temps en temps pour faire moi content. Qui moun qui dit l'amour créole, c'est dans mes belles paroles. Qui bémé en plein la vie, c'est ma cacri. Nous qui si fiers, pourquoi nous perdre? Montrez-les nous en vie, dans les tendresses, nous ni pour nous qui qu'à compter. Pendant nous vivants, en pêchant trop grand pour dire pardon, chérie, désolé. Pendant nous vivants, en quête souvent, tout simplement, c'est vous en choisir. Trois belles paroles, jamais sans vie, sans pas vous dire, qui j'en vois vous, à quel amour depuis longtemps. Chaque un jour on se sent frapper, nous qu'elle essaye passer. Si on dit la foi, l'amour c'est pour l'éternité. Pape Bogos pour un caresse, Pape Palme l'air d'un piti. En reste, dis-moi par les créoles, parce qu'on a occasion à message. Pas dit à mille fois, chaque jour, bon Dieu fait jour.